Le rassemblement consacré au 40e anniversaire de la fondation de la direction d'UNRWA a eu lieu le 14 juillet en présence des cadres intéressés et du personnel de la direction. Au rassemblement, on a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressé au personnel de la direction. Le comité central du Parti du Travail de Corée y a souligné que la direction d'UNRWA, fière de son histoire glorieuse qui brille par la création et la lutte sous la direction éminente du parti et du leader, s'est développée ces 40 dernières années depuis sa fondation en centre de confection de vêtements de grande envergure munis des forces techniques puissantes et d'une solide base de production qui applique la politique en matière de commerce et l'orientation de l'industrie légère du parti.